Ils nous ont fait vivre des moments historiques dans l'histoire du tennis canadien, de beaux moments. Bianca Andreescu qui a remporté le tournoi de Indian Wells contre Angelica Kerber, ça se passait il y a à peu près 10 jours en Californie. Par la suite, un beau parcours pour elle quand même à Miami malgré toutes ses blessures. Et un gars que je pense qui gagne vraiment être connu, puis on connaît de plus en plus pas ses performances, mais nécessairement par la façon qu'il a travaillé avec Bianca, c'est son entraîneur Sylvain Bruno. Question de savoir un peu comment il se remet de tous ces jours. On lui parle. Salut Sylvain. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Sylvain, écoute, tu nous as fait vivre, vous nous avez fait vivre des moments extraordinaires. Moi, je suis un gars qui découvre le tennis au fil des ans. Puis c'est vraiment un beau moment que vous nous avez fait passer, surtout la finale des Indian Wells. Mais si on revenait au début de la saison, je t'aurais dit à peu près, la saison commence, 2-3 janvier à peu près, le 27 mars, vous allez être, 24e? Tu m'aurais jamais cru, hein? Ben, écoute, on s'était discuté, bien que moi, c'était en décembre, quand on était en Floride pour un camp d'entraînement, on avait fait des objectifs sur plein d'aspects, mais aussi sur le plan des résultats pour 2019. Puis on avait donné un objectif pour Roland-Garros, qui est au mois de mai, qui était à la fin mai, d'être du tableau principal. Puis pour être du tableau principal, à ce moment-là, ben il fallait être 110 au monde à la fin du mois de mai. Donc, évidemment, ça va pas mal plus vite que prévu, oui. Effectivement. Qu'est-ce qui a fait la... Mais on savait que Bianca avait beaucoup de talent, hein? Est-ce que c'est nettement en avance de son cheminement, de sa progression, parce qu'elle a quand même 18 ans, là. C'est nettement en avance, là. Oui, écoute, c'est sûr qu'elle a un énorme potentiel sur tous les plans, là, sur le plan tennistique, elle a plein de belles qualités, elle voit le jeu, elle a une bonne main, c'est incroyable ce qu'elle peut faire avec la raquette, c'est une bonne compétitrice, c'est une guerrière sur le plan physique aussi. Donc, on savait qu'elle avait de grandes possibilités, qu'il y avait plein de choses qui pouvaient bien se passer dans sa carrière, mais elle a seulement 18 ans. Et puis, c'est sûr que là, les résultats se sont additionné, accéléré depuis l'automne, surtout depuis le début de 2019. Et puis là, après le tournoi de Miami, elle va être 22-23 au monde. Donc, c'est sûr que c'est une ascension assez fulgurante. Là. On le prend, mais c'est au-delà de nos attentes un peu. Est-ce que c'est un avantage pour elle, le fait que, bon, elle est encore nouvelle sur le circuit, pas beaucoup de joueuses la connaissent encore vraiment? C'est plus l'an prochain qu'on va voir vraiment, parce que quand on protège ses points, c'est là qu'on voit vraiment qu'est-ce qu'une joueuse vaut. Est-ce que c'est déjà un avantage considérable là-dessus, encore, aujourd'hui, là? Ben, c'est sûr que la première année qu'on arrive, qui est en fait, pour le moment, c'est le cas pour Bianca, on prend un peu tout le monde par surprise, nos adversaires, le monde du tennis, on est encore un peu méconnu. C'est sûr que c'est un avantage certain. Avec le temps, les filles vont mieux comprendre son jeu. Son statut va également changer. Alors là, on va jouer contre elle, puis on aura moins de pression pour les adversaires parce que ça va être une joueuse plus connue, bien cotée, parmi les favorites. Donc c'est certain. Quoique je crois pas que ça va avoir un énorme impact, parce que je pense que Bianca, c'est pas le truc d'une année. Mais c'est sûr qu'on dit toujours que la deuxième année est parfois plus difficile. Pas toujours, mais parfois plus difficile que la première. OK. Qu'est-ce qui reste à travailler avec elle, là, pour peaufiner son jeu, gagner de l'expérience? Moi, il y a la question des crampes que je vais en parler tout à l'heure avec vous. Mais concrètement, là, pour elle, j'imagine qu'il y a encore des petites affaires qu'on aimerait travailler, peaufiner. C'est quoi qui reste à faire là, pour vous? Ah ben absolument, hein. Elle a seulement 18 ans. Donc, elle a 18 ans, autant chez les hommes que chez les femmes. Au tennis, t'es loin d'être arrivé à ton apogée, là, ce qu'on appelle le pic. T'as encore beaucoup de travail à faire. Donc, tu mentionnais les crampes. Donc, sur le plan physique, il y a quand même un bon travail à faire. C'est une athlète qui a des belles qualités innées. Mais sur le plan du travail, elle a seulement 18 ans. Donc, pour être capable d'enchaîner les matchs, d'enchaîner les tournois, de jouer beaucoup de matchs à cette intensité-là. C'est encore un peu nouveau pour elle, tout ça. Donc, beaucoup de travail à faire sur le plan physique. Sur le plan mental, ben apprendre à tout gérer ce qui lui arrive, là, parce que c'est arrivé un peu comme une tempête, tout ça. Donc, il y a beaucoup de sollicitations, puis de garder les pieds sur terre. Donc, il va avoir un petit peu un travail à faire de ce côté-là. Et sur le plan de son tennis, elle a un jeu complet avec plein de coups. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Son service peut s'améliorer. J'aimerais l'avoir monté davantage au filet. Donc, il y a du travail à faire. Là. On peut pas s'asseoir sur nos lauriers. Un des problèmes de Bianca par le passé, c'est ses blessures et ses fameuses crampes. Ça se travaille-tu, ça? C'est sûr que ça se travaille. C'est sûr qu'il y a des athlètes qui ont des prédispositions à avoir des crampes plus que d'autres. Donc, on va tout faire. On va faire toutes sortes de tests pour voir si qu'est-ce qui peut être peut-être manquant dans son système. On va très, très bien travailler avec des gens qui sont des experts dans le sujet pour s'assurer qu'elle est bien préparée. Parce qu'effectivement, le tennis se joue souvent dans des conditions extrêmes, de chaleur intense, et ainsi de suite. Donc, il faut s'assurer qu'elle est capable de jouer dans la durée, d'additionner les matchs. Donc, l'idée de jouer avec des crampes, c'est pas l'idéal. Donc, il faut travailler là-dessus. OK. Dites-moi, du côté de vous, je pense que ça a fait le tour de la planète, le speech que vous avez fait à Bianca durant Indian Wells. Vraiment, là, c'était... pour la parler demain, il faut vraiment que vous la connaissiez. Est-ce que c'est... Je vous ai entendu dire ailleurs à une autre station que si j'aurais parlé de technique, de jeu, je l'aurais, de stratégie, je l'aurais perdu. Donc, faut vraiment la connaître pour en arriver là. C'est sûr que quand un athlète est bien connu par son entraîneur, puis qu'il y a une bonne chimie entre les deux, c'est tout le temps un avantage. C'est un avantage dans les entraînements, puis au tennis, dans les conditions qu'on a vues, lorsque l'athlète peut emmener son entraîneur sur le terrain, c'est le cas sur le circuit féminin, une fois par manche. Puis là, tu arrives dans un contexte, dans le cas qu'on a vu en finale, avec beaucoup d'émotions, énormément d'intensité. On est au bout du tournoi à quelques jeux. Là, on est vraiment dans l'émotion. C'est beaucoup l'aspect mental. Est-ce que j'avais des trucs tactiques que j'aurais aimé lui dire attention à tel truc? Oui, mais avec la porte qu'elle m'a ouverte, la façon dont je l'ai senti, je pense que c'était plus pertinent d'un petit peu d'aller de ce côté-là pour essayer de la pousser là pour ce qui restait dans le match, puis tenter de se surpasser que de lui parler des patrons de jeu qui seraient préférables de pas faire ou de faire. Vous la sentiez-tu paniquer? Un petit peu, je la sentais un peu en détresse. Okay. Parce que je la sentais que sur le plan physique, elle arrivait pas mal au bout du rouleau. Et puis là, il y a Kerber qui commençait à jouer de mieux en mieux. On sentait qu'elle prenait un petit peu un ascendant là, quand même dans le match. Donc, je sentais qu'elle avait peut-être l'impression que ça lui glissait, comme on dit, là, entre les doigts. Pas paniqué, mais je la sentais un petit peu en détresse. Ouais. OK. Sylvain, j'ai des questions des auditeurs. J'ai demandé à des gens de s'il y avait des questions à te poser. J'en ai deux que j'ai retenues. Une, entre autres, pourquoi y avoir fait l'avoir fait participer à Miami quand on savait qu'elle était blessée, fatiguée? Écoute, c'est une bonne question parce que c'est quelque chose sur lequel on va devoir être très prudent dans la programmation, s'assurer qu'on brûle pas la chandelle par les deux bouts. Donc, elle était ultra contente de jouer le tournoi de Miami. Ses parents étaient là, ses parents l'attendaient. Okay. On savait que ce serait difficile, mais à quelque part, j'aime ça aussi l'idée d'un athlète qui tente de surpasser. Il faut faire attention parce qu'il y a une ligne quand même à pas traverser là. Mais elle était en mesure de jouer. Est-ce qu'elle était pour arriver comme fraîche, dispose, parfaite? Non. Mais parfois, c'est ça la réalité du tennis. Parfois, t'es pas toujours à ton pic, t'es pas toujours parfait physiquement. Il faut enchaîner les tournois, il n'y a pas toujours tout le temps un moment de repos. Puis je veux pas non plus la rendre trop fragile de ce côté-là. Mais il faut faire attention aux blessures, c'est toujours le côté qu'il faut être prudent. OK. Est-ce que Sylvain Bruno est toujours à Tennis Canada? On se pose la question parce qu'on avait échoué à travers les branches que... Puis c'est la question de l'autre auditeur aussi. On avait échoué à travers les branches que vous alliez vous occuper plus des femmes. Mais est-ce que vous travaillez encore pour Tennis Canada, pour les Françoises Abandon, les autres? Oui, mon rôle à Tennis Canada a évolué. J'étais capitaine de Coupe-Fed jusqu'en 2018. Et là, c'est là qu'on m'a demandé de cesser mes fonctions comme capitaine de Coupe-Fed pour être plus disponible pour Bianca Andreescu. Mais je demeure responsable du tennis féminin. Je suis là pour toutes les filles. Est-ce que en ce moment, on verra pour combien de temps, le focus est un peu plus sur Bianca pour les déplacements. Ouais. Oui, c'est ce qu'on m'a demandé. Mais je demeure en place dans mes fonctions. Puis les autres joueurs, absolument, je surveille de tout le monde de très près. Je communique avec les entraîneurs. Mais c'est sûr que physiquement, puis là, mon travail était un petit peu plus axé sur Bianca depuis un petit bout de temps. Est-ce qu'il y en a une qui est dans l'antichambre qu'on connaît pas du tout, là, mais qui a 15 ans, 16 ans? Bianca, ça faisait longtemps que je l'entendais parler, là, qu'elle avait le potentiel énorme. Là. Pour moi, c'est pas une surprise. Là. Mais y en a-tu une qui est une autre Bianca Andreescu qui se cache, qui a 15, 16 ans, que les gens connaissent pas? Bon, on a des bonnes joueuses qui sont montantes. C'est peut-être pas un inconnu. Il y a Leila Fernandez. Ouais. C'est quand même pas une fille qui est complètement inconnue, mais qui est encore que seulement 16 ans. Puis qui, je pense, peut faire de très, très belles choses dans le tennis. Il y en a d'autres aussi ailleurs au pays. Maintenant, on s'entend. Là, des filles qui vont gagner Indian Wells à 18 ans, il faut faire attention que ça ne devienne pas le nouveau critère, parce que sinon, on va peut-être déçus. Mais je vous dirais, Leila Fernandez, elle a super tennis. OK. Dernière question, Sylvain, parce que je ne veux pas prendre plus de ton temps. Comment ça se passe, le circuit de la WTA? On a vu que la madame Gerber n'était pas vraiment contente. Elle a traité de drag queen Bianca Andreescu. Est-ce que, tu sais, généralement, des femmes, je parle en général, là, c'est un monde de bitchage, tu sais ce que je veux dire, hein, tu sais, je veux pas mal parler, mais c'est ça pareil. Est-ce que ça se jalouse beaucoup? Est-ce que c'est très compétitif? Comment ça se passe, ce circuit WTA? Parce que je pense que Bianca s'est fait pas une bonne réputation, mais écoute, nous, on pensait en rien, là, mais est-ce que ces paroles ont dépensé ses pensées dans Colin Jay? Ben, écoutez, c'est sûr que le milieu du sport compétitif, en tout cas, je vais parler pour celui que je connais, celui du tennis féminin, c'est sûr que c'est un milieu très compétitif, un peu chacun pour soi. On apprend à connaître les filles avec le temps, mais bon, tout le monde se protège, on veut pas trop se livrer. Ouais. Les filles ont leur petite équipe, puis ils font leurs choses ensemble. C'est rare qu'on voit les compétitrices partir ensemble, prendre un souper au resto le soir. Là, c'est pas quelque chose qui se produit. Avec l'incident de Kerber puis de Bianca, ben je pense qu'il faut faire attention. Il y a une mise en contexte. Il était 1h30 du matin. Il était très, très tard. C'était un match en 3 manches. Et puis Bianca, ben, elle avait un problème à l'épaule. Elle a fait venir les kinés sur le terrain. Souvent, elle jouait, ben, on la voyait là, tourner son épaule, puis on voyait qu'elle était incommodée pendant tout l'ensemble du match. Est-ce que ça l'a agacé Kerber? C'est possible. Est-ce qu'elle a dit des propos sur le coup de l'émotion un peu après une défaite? C'est possible aussi. Je pense que c'est comme le lendemain, elle a envoyé un message sur Twitter disant « Ah, très bon match, Bianca, bravo! » Un truc du genre, mais bon, c'est pas commun. Hein? On est dans la réserve. On dit pas ces choses-là pour après être pris en onde, puis que ça soit un petit peu publié, mais c'est sûr que c'est un milieu quand même assez très compétitif, féroce. C'est toutes des filles qui veulent être le meilleur possible, puis gagner les matchs, mais normalement, il y a quand même, je dirais, une entente là, cordiale entre tout le monde. OK. Dites-moi, en terminant, j'ai juste une petite dernière question. Comment ça se passe une journée de match? Puis il y a combien de monde autour de Bianca Andreescu? Ça commence le matin d'un match. C'est un déjeuner. Y a-tu un meeting d'équipe? Puis il y a combien de monde autour de Bianca? Ben, ça peut varier d'un tournoi à l'autre. Je vais prendre le tournoi d'Indian Wells parce que c'est celui qui a un peu capté l'attention. On était 3 autour d'elle. Il y avait un préparateur physique de Tennis Canada qui s'appelle Nicolas Perrotte, qui travaillait aussi avec Félix. Mais Félix a perdu un peu plus tôt que Bianca et s'est dirigé sur Miami. Nicolas est resté à Indian Wells avec nous. Donc, du début à la fin du tournoi, il a fait partie de l'équipe. Il y avait une autre personne qui était quelqu'un qui me donne un coup de main dans des entraînements à Montréal, qui vient taper avec elle. Et puis, je l'ai gardé à Indian Wells pour taper avec elle, les chauffer. C'était un joueur-entraîneur qui s'appelle Isa Juno, qui m'a bien aidé, puis il y avait moi. Donc, on était 3, c'était tout. Le jour d'un match, ben, ça dépend à quelle heure est le match, parce que tu peux jouer à 11h le matin, puis okay. tu peux jouer aussi à 9h le soir, donc ça varie. On faisait pas de déjeuner d'équipe, parce qu'à un moment donné, on est beaucoup okay. ensemble, faut respirer. Mais on faisait toujours, si on jouait le matin, ben on fait l'échauffement ensemble, physique, tennistique, on prend une petite bouchée 2 heures avant le match, on parle beaucoup du match, et puis après, ben on se réchauffe avant le match, et c'est le match. Quand le match est plus tard, le soir, en soirée, on fait une activation physique, là, vers 11h30, midi, on va dans le gym avec elle, on la fait bouger légèrement pour pas passer la journée assise ou faut quand même garder le corps en état d'éveil. Puis après, on fait un peu les mêmes routines là, quand on approche du match, donc 3-4 heures avant le match, échauffement sur le terrain, après manger un peu, bien parler, elle fait des traitements avant son match, puis après, ben dernier échauffement, et puis c'est physique et le match. OK. Ben, Sylvain, gros merci, au plaisir de se reparler très, très bientôt, puis félicitations encore, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun, puis moi, ben, c'est, écoute, le tennis, c'est un sport que j'ai découvert avec Eugénie, hein, puis là, Félix Auger-Aliassime, puis ainsi de suite, j'imagine que tu suis ça aussi. Bravo, félicitations, puis on va sûrement s'en parler un autre tantôt. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Sylvain Bruneau, l'entraîneur de Bianca Andreescu.